En guise de condamnation des manœuvres militaires américano-sud-coréennes de nature provocatrice, le Comité national d'études du kim jong-lisme et le Cercle d'études du kim jong-lisme, de la philosophie du Chuché, de la politique de Sun Gun et de la confiance en soi du Nigérien ont rendu publique une déclaration conjointe, alors que le co-président du Comité préparatoire international du Rassemblement à l'éloge des grands hommes Pectosan 2017 et président du Comité africain d'amitié et de solidarité avec le peuple coréen, une communication.